Maître Hulot d'Hervy, n'entendant plus parler de la terrible Madame Nourrisson, voyant son beau-père marié, ayant reconquis son beau-frère, revenu sous le toit de sa famille, n'éprouvant aucune contrariété de sa nouvelle belle-mère, et trouvant sa mère mieux de jour en jour, se laissait aller à ses travaux politiques et judiciaires, emportés par le courant rapide de la vie parisienne, où les heures comptent pour des journées. Chargé d'un rapport à la Chambre des députés, il fut obligé, vers la fin de la session, de passer toute une nuit à travailler. Rentré dans son cabinet vers 9 heures, il attendait que son valet de chambre apportât ses flambeaux garnis d'abat-jour. Et il pensait à son père. Il se reprochait de laisser la cantatrice occupée de cette recherche, et il se proposait de voir à ce sujet le lendemain M. Chapuzot, lorsqu'il aperçut à la fenêtre, dans la lueur du crépuscule, une sublime tête de vieillard à crâne jaune, bordée de cheveux blancs. « Dites, mon cher monsieur, qu'on laisse arriver jusqu'à vous un pauvre ermite venu du désert et chargé de quêter pour la reconstruction d'un saint asile. » Cette vision qui prenait une voix et qui rappela soudain à l'avocat une prophétie de l'horrible Nourrisson le fit tressaillir. « Introduisez ce vieillard, » dit-il à son valet de chambre. « Il empestera le cabinet de monsieur, » répondit le domestique. « Il porte une robe brune qu'il n'a pas renouvelée depuis son départ de Syrie, et il n'a pas de chemise. Introduisez ce vieillard, » répéta l'avocat.